pour les forestiers. Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement 198 $ aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de 750 $. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. On va parler avec l'ami Gilles Bouchard, qui est natif de Normandin, évidemment, qui a connu sa première saison comme instructeur adjoint chez les Crunch de Syracuse, filiale du Lightning de Tampa Bay. Savoir un peu comment il a trouvé sa première saison dans la Ligue américaine dont il parle. Salut Gilles! Ben, salut! Gilles, comment t'as trouvé ta première saison finalement? Parce que je t'ai parlé avant les fêtes, ça allait bien. Tu trouvais ça difficile par contre de passer d'entraîneur chef à entraîneur adjoint? Est-ce que ça a été mieux dans la deuxième partie de la saison? Ben, ça n'a pas été quelque chose de difficile. Ça a été plus une question d'adaptation. Ouais. Puis, comme j'avais mentionné, là, ça m'a pris peut-être une dizaine de games là, au mois d'octobre. Puis après ça, ben, les choses sont bien déroulées. Là. Écoute, on a eu une bonne saison. Puis, dans mon rôle d'adjoint, ben, j'ai été impliqué beaucoup avec les attaquants, avec les défenseurs. À 5 contre 5. Écoute, c'était une bonne année d'apprentissage et de travailler dans le pro. D'en travailler dans le pro, c'est différent. Ben oui, c'est sûr. C'était une bonne expérience. OK. Gilles, si on parlait un peu de... mais vraiment, donc le Lightning, plus ça allait, puis plus qu'on te donnait vraiment des responsabilités, là. Moi, ben, écoute, au début, c'est certain que... Il y avait la question de la langue, là, ouais. La communication avec les joueurs et tout ça. Fait que on voulait pas commencer trop rapidement non plus. Mm. Mais je pense que de match en match, de jour en jour, là, les choses se sont bien déroulées, comme je mentionnais. Puis tu prends confiance à parler avec les joueurs, à t'exprimer. Puis écoute, l'important c'est de se faire comprendre. Puis pas parfait bilingue pendant tout, mais c'est de trouver le moyen que les choses soient claires, qu'on soit en même temps avec les joueurs. Puis c'est surtout d'être prêt aussi là à tous les meetings. Faut que tu sois bien préparé. Tu rentres en meeting avec des gars entre 20 et 30 ans. Fait que les gars veulent avoir un plan et veulent savoir ce qui se passe. Est-ce qu'ils te respectaient dans l'ensemble les gars, ils savaient très bien que tu essayais, donc tu te sentais respecté là-dedans et que tu avais une langue à la part. Oui, je me sentais très bien là-dedans. Puis, il y avait beaucoup de respect entre les joueurs et moi. Puis, les gars essayaient de m'aider aussi en même temps quand il y avait des terminaisons, des sentences qui n'étaient pas claires. Fait que non, on a travaillé en équipe là-dedans, puis c'était bien le fun. Là. On avait un bon groupe de joueurs, fait que c'était bien positif. Là. Dirais-tu que tu es un meilleur homme de hockey après que tu as passé sa première saison-là? Oui, définitivement. Ouais. J'ai appris comment ça se déroulait dans l'hockey professionnel, comment ça fonctionnait, l'organisation. C'est gros tout ça, puis... J'ai appris aussi beaucoup avec la mentalité de Benoît Groulx, qui est un excellent entraîneur. Fait que t'apprends d'autres choses. C'est la façon de voir la game. Et, tu sais, des fois, tu vois t'apprends des choses différemment. Fait que ça m'a même fait pour lui. Lui ici, il a appris des choses dans ce processus-là. Fait que définitivement, après une saison comme ça dans la Ligue américaine, là, je suis un meilleur entraîneur, ça c'est sûr et certain. Okay. Gilles, Alex Barré-Boulet, il a connu toute une saison. Je pense qu'il doit être proche vraiment de la Ligue nationale, ce gars-là. Écoute, c'est quand même une recrue. Il a été impressionnant cette année parce que c'est un gars qui se passe à la patinoire. C'est un gars qui comprend bien le game. Il a des mains, capable de marquer des buts. C'est un gars qui est pas. C'est pas le plus gros joueur. Il est juste 5 et 10 et demi, quelque chose de même, mais. C'est un gars qui a pas peur d'être dans le trafic. Fait que je pense que ça l'a aidé beaucoup. Ça a pas changé sa game. C'est un gars qui est tellement compétiteur et orgueilleux. Fait que ça a fait en sorte que ça lui a permis de connaître la saison et de la recrue de l'année. Fait que il a été assez incroyable cette année. Fait qu'on est bien content pour lui, là. OK, OK. Dis-moi maintenant, y a-tu d'autres Québécois qui se sont distingués à Syracuse? Parce que je regarde la liste, il y a Michael Bournival, lui, c'est plus un joueur de la Ligue américaine. T'as Eddie Pasquale, je pense qu'il a joué dans la Ligue de hockey joueurs du Québec. Y en a-tu d'autres qui se sont distingués? Ben écoute, je te dirais, je te parlerais peut-être de Hubert Labrie, un défenseur, ouais. Un petit gars de Victoriaville, là. Il était. C'est un gars qui joue un peu dans l'ombre, mais c'est le genre de joueur que tu as besoin dans ton équipe pour gagner des games. Il est tellement impliqué physiquement. C'est un gars qui a une bonne lecture de jeu défensivement. C'est un joueur plus défensif. C'est un gars qui va aider ses coéquipiers. Il n'a pas peur de personne. Puis il va bloquer des shots en désavantage numérique. Fait que c'est vraiment un joueur de rôle qui était très respecté dans notre équipe puis qui avait un rôle bien important. Fait que okay. En plus, c'est un gars de chez nous, fait que c'était bien le fun, là. OK. Dis-moi maintenant, as-tu l'occasion de suivre les Huskies de Rouyn-Noranda? Si j'ai eu l'occasion de quoi? Ouais, de suivre les Huskies qui ont gagné la Coupe du Président. Ça doit faire quelque chose, hein? J'allais aux deux matchs. J'ai eu les deux premiers matchs, jeudi, vendredi, à Rouyn. OK. Puis les autres matchs, là... J'ai vu plus le dernier match à Halifax. J'ai pas vu le match 3 puis 4 en tant que tel, là, parce que je suis reparti. Sauf que, non, écoute, moi qui ai quitté, je savais qu'on était dans le top 3 de la ligue puis qu'on allait avoir une bonne saison. C'est que c'était un groupe de joueurs on avait bien des joueurs de 19 ans cette année. C'est tous des gars qu'on avait pêchés, qui ont été élevés ensemble, la culture de l'équipe, puis avec des bonnes habitudes de travail. Fait que Mario a fait un bon job avec l'équipe. Puis en plus, il est allé chercher des joueurs athlètes, Teasdale, Dobson, Louis-Philippe ouais. Côté. Ouais. Je pense que ça a fait la différence aussi là-dedans. Fait que, écoute, je suis content du succès des Huskies. C'est une deuxième coupe en 4 ans. C'est un petit marché. Je pense qu'on a gagné beaucoup de respect dans les 5 dernières années comme organisation. Je parlais avec Samuel Harvey la semaine passée, puis j'ai demandé de comparer l'édition 2015-2016 des Huskies à l'édition de cette année, puis il disait qu'il y avait peut-être plus de profondeur cette année qu'à l'édition 2015. C'était toi l'entraîneur en 2015-2016 que vous avez perdu en prolongation dans un match mémorable. Est-ce que tu es d'accord avec Samuel? Écoute, je pense que cette année, il y avait vraiment, vraiment une belle profondeur comme équipe. Je pense que je suis d'accord avec lui. Mais il reste que nous autres, notre quatrième ligne dans le temps, on avait des Mathieu Boucher, des Peter Abandonato, des gars qui avaient 17 ans, mais qui ont une bonne carrière junior. Mais je te dirais que peut-être défensivement, avec des Dobson, avec des Neveux et compagnie, puis Bergeron. Nous autres, on a eu des rois blessés dans le processus. Fait que peut-être un petit peu plus de profondeur cette année, oui. Okay, d'accord avec lui. Là, la deuxième année et l'an prochain, j'imagine que ça va être. Je reviens sur toi, là. J'imagine que il n'y aura pas cette adaptation-là. Ça va déjà être un gros plus. Écoute, je vais. C'est certain que là, tout est plus clair dans ma tête. Je sais le. Quand je parle de la Ligue américaine, maintenant, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu, je sais comment ça se passe, je connais tous les joueurs. Fait que tout est plus précis, tout est plus clair. Fait que, écoute, maintenant, j'ai l'été pour me préparer, me refaire des plans par rapport à différentes situations de la game de hockey. Puis, écoute, c'est certain qu'une fois que t'as un an de fête, là, dans le processus, là, par la suite, ben, il te reste à continuer à travailler fort puis à essayer de tout faire pour améliorer les joueurs individuellement puis collectivement pour qu'ils se développent pour qu'ils fassent le saut dans la Ligue nationale. C'est ça notre mandat, là. OK. Viens-tu à Normandie cet été? Ouais, je vais descendre début juin. Début juin, puis après ça, mois de juillet, je ne sais pas quelle date je vais descendre. Début juin, je devrais descendre. OK, OK. Ben, Gilles, gros merci. Félicitations, évidemment, ta première année à Syracuse, puis au plaisir. Puis j'imagine bonne chance avec les Huskies, parce que tu dois avoir le cœur aux Huskies quand même, surtout que ton équipe est éliminée, là. Tu dois sûrement regarder ça à la Coupe Memorial. C'est sûr qu'on va regarder ça, certain. Ouais. OK, donc l'entraîneur adjoint des Crowns de Syracuse, Gilles.